so did and I'm out. With them right, it no two years wrong. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. C'est la dernière de la semaine et oui, nous sommes déjà vendredi, nous sommes le 24 janvier. Nous souhaitons une bonne fête au François, en l'honneur de Saint-François de Sales. Le dicton nous dit « l'or du soleil en janvier et or que l'on ne doit envier ». Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale du sport féminin, initiée par le CSA en 2014 et dans les événements qui se sont déroulés un 24 janvier en 1848. C'était la découverte d'or en Californie qui a conduit à une ruée vers l'or. Hein. 1907, création de la première troupe scout par Robert Baden-Powell. 1962, c'était la sortie du film de François Truffaut, Jules et Jim. Et en 1990, c'était l'inauguration de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause avec le chanteur Ray Stevens. Ça ne vous dit peut-être rien, mais je suis sûre que vous connaissez ce titre, Everything is Beautiful. Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way, and under God's heaven gonna find a way. There is none so blind as he who will not see. We must not close our minds, we must let our thoughts be free. For every eye that passes by, you know the world gets a little bit older. That beauty lies in the eyes of the beholder. Everything is beautiful in its own way, like a starry summer night or a snow-covered winter's day. The length of his hair or the color of his skin. Don't worry about what shows from without, but the love that lives within. Everybody's beautiful. c'était Ray Stevens avec son titre Everything is Beautiful sur RGM. Il est un peu plus de 8h35, on est toujours dans la matinale et on va parler anniversaire avec ceux qui sont nés un 24 janvier 1939, naissance de Ray Stevens, compositeur-interprète américain. 1941, naissance de Neil Diamond, auteur-compositeur-interprète américain, qu'on écoutera dans quelques instants. 1950, naissance de Daniel Auteuil, homme de théâtre et de cinéma français, vu dans les Soudoués en vacances dans le rôle de Bébel, Les Hommes préfèrent les grosses, Jean de Florette et Manon des Sources dans le rôle d'Hugolin, récompensé du César du meilleur acteur hein, pour Jean de Florette et Manon des Sources. La Reine Margot, le huitième jour dans le rôle d'Harry, récompensé au Festival de Cannes 96 par le prix d'interprétation masculine, vu également dans Le Bossu, La Fille sur le pont dans le rôle de Gabor, César du meilleur acteur, Le Placard dans le rôle de François Pignon, La Doublure dans le rôle de Pierre Levasseur, La Fille du Puisatier, Japlou, les films Marius et Fanny dans le rôle de César Olivier, réalisateur du film La Fille du Puisatier, Marius et également Fanny. 1952, naissance de Raymond Domenech, ancien footballeur, entraîneur français, joueur de 1970 à 86, entraîneur depuis 84, donc il était entraîneur-joueur, de Mulhouse, Lyon de l'équipe de France, espoir de l'équipe de France des moins de 20 ans, entre 2004 et 2010, sélectionneur de l'équipe de France, et entre 2016 et 2019, il a été l'entraîneur de l'équipe de Bretagne. 1963, naissance de Muriel Moreno, chanteuse française du groupe Niagara, qu'on écoutera en fin d'émission. 1966, naissance de Karine Viard, actrice française, vue dans Tati Daniel, Les Randonneurs à Saint-Tropez dans le rôle de Coralie, Olecker dans le rôle d'Emma, récompensée du César de la meilleure actrice, Embrasser qui vous voudrez dans le rôle de Véro, César de la meilleure actrice dans un second rôle, L'ex-femme de ma vie, Le bal des actrices, Le code a changé dans le rôle de Marie-Laurence, Potiche, Rien à déclarer dans le rôle d'Irène Janus, Police, La famille Bélier dans le rôle de Gigi Bélier, Les visiteurs, La révolution dans le rôle d'Adélaïde de Montmirail et plus récemment vu dans Les chatouilles dans le rôle de Mado, récompensé du César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et on termine en 1986 avec la naissance de Mischa Barton, actrice américaine, aperçue dans les films Coup de foudre à Notting Hill et Sixième sens, mais on la connaît pour son rôle de Marissa Cooper dans la série télé Newport Beach. Allez, avant de faire une petite pause musicale, on va parler des événements en région. Un événement donc de la mairie, communiqué par la mairie de Remiremont. Je vous en ai parlé depuis un moment maintenant. Mais je vous fais une petite piqûre de rappel. Chaque année, le village le plus haut perché des Vosges, le Haut du Taux, propose des expositions de photographies à ciel ouvert. Les sentiers de la photo. Deux de ces sentiers sont détournés à Remiremont, sous les arcades, rue Charles de Gaulle. Et ce, jusqu'au 9 février prochain. Et pour les amateurs de ski, eh bien, le domaine skiable alpin de Gérardmer ouvrira partiellement tous les jours à partir de ce samedi. Et oui, et bulletin pour donc ce week-end du samedi 25 janvier et du dimanche 26 janvier. Ouverture de 9h à 17h30. À noter, pas de nocturne hein, ce samedi. Ouverture partielle avec 5 pistes. Le tétra rouge, le renard vert et 3 espaces débutants. Le jardin d'enfants sera ouvert. 4 remontées mécaniques ouvertes. Le télésiège, le grand haut, le téléski de la petite Moselaine et le téléski de la Crête et le télécorde du Prédidier. A noter que l'espace luge sera ouvert et l'espace jeu igloo de Loustic sera ouvert également. Voilà, si vous voulez aller faire du ski ce week-end, eh bien voilà, vous savez où aller. Allez, tout de suite, nouvelle pause musicale avec Neil Diamond et son titre est Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me. Avec là aussi un classique Sweet Caroline sur le 107FM. Il est presque 8h43, on parle météo. La météo. C'est encore une belle journée ensoleillée qui nous attend aujourd'hui, des températures comprises entre moins 3 et moins 1 degré ce matin, entre 8 et 10 degrés normalement pour cet après-midi. Samedi, on aura encore droit à du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés prévus pour samedi après-midi, et dimanche ce sera le retour des nuages, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 6 et 8 degrés prévus pour dimanche après-midi. Après-midi. On passe tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On va commencer avec le biathlon et la première étape. Preuve, hein. Paul Kluka, c'était l'individuel messieurs, avec notamment le retour de Johannes Bö qui a tiré à 20 sur 20 et qui s'est imposé sur cet individuel juste devant Martin Fourcade, lui aussi à 20 sur 20. Martin Fourcade conserve ainsi le maillot jaune de leader du classement général. Fabien Claude lui a terminé 3e. Il réalise ainsi son premier 20 sur 20 en carrière et son premier podium dans des circonstances un petit peu particulière, puisque le papa de Fabien et de Florent Claude est porté disparu dans l'accident de motoneige qui a eu lieu au Canada il y a quelques jours maintenant. Les deux athlètes vosgiens ont décidé de prendre le départ de cet individuel et Fabien a réalisé bien un exploit en prenant cette troisième place. Et d'ailleurs, on va écouter les frères Claude au micro de Tanguy Kerouac, de nos confrères de la chaîne L'Équipe. Alors on entendra d'abord Fabien et ensuite ce sera Florent qui interviendra au micro. Très particulier. Ouais, ben je suis hyper satisfait de ma course, j'avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir et voilà, on a décidé de prendre le départ et avec Florent, et je suis content de lui rendre hommage de cette façon. Voilà, il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père et voilà, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus plus, mais en tout cas c'est aujourd'hui, ce podium il est pour lui et je suis sûr qu'il est fier de nous, et en tout cas je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est important pour vous aujourd'hui de prendre le départ de cette course? Bah, c'était important pour nous, ça nous a tenu à cœur, et le but c'était pas forcément le résultat, c'était de faire notre course et rendre un dernier hommage et faire au mieux possible quoi. Martin, parfois le sportif passe au second plan, j'imagine que vous êtes très fier aujourd'hui de partager le podium avec Fabien. Ouais, ça serait mentir de De ne pas dire que je savais qu'il ferait quelque chose comme ça aujourd'hui, quelque chose de grand. Voilà, je crois que des fois on a besoin de sens pour se réaliser, pour savoir pourquoi on fait ça. Ouais, je suis fier de Fabien, fier de l'équipe aujourd'hui, parce qu'on, je crois qu'on réalise tous une belle course, et on avait, je crois, à cœur de faire ça pour lui, pour Florent, pour leur famille. Et voilà, c'est comme vous le dites, des fois c'est beaucoup plus que du sport. On en parle souvent, mais c'est ce qu'on vit, c'est rien, c'est l'aventure humaine qui va autour. Et voilà, cette aventure humaine, des fois, elle réserve des coups durs, et c'est là-dedans qu'on sent que les hommes qu'on a autour de nous sont de grande valeur. Donc on avait à cœur de montrer ça à Fabien, et lui il a fait plus que le montrer à tout le monde, et c'est sûr que tout le monde est fier de lui. Et voilà, sa maman peut être très fière de son fiston et de Florent. C'était pas facile de prendre le départ aujourd'hui, et on est fiers d'eux. Voilà, donc Marion avec le micro ouvert, ça marche mieux. Hein. Je voulais vous dire que donc c'était Martin Fourcade, hein, qui saluait la performance des frères Claude. Florent, lui, a terminé 47e de cet individuel. Et pour en revenir aux autres Français, la 7e place de Quentin Fillon-Maillet, 11e place pour Antonin Guigona, 21e place pour Simon Détieu et 32e place pour Émilien Jacquelin. Aujourd'hui, à 14h15, c'est l'individuel féminine. La première Française à s'élancer sera Justine Brézé avec le dossard 5, le dossard 7 pour Anaïs Bescon, le 11 pour Julia Simon, le 40 pour Célia Aymonier, le 69 pour Chloé Chevalier et le 98 pour Caroline Colombo. Elles seront 101 à prendre le départ. On suivra les dossards de Lisa Vitozzi avec le dossard 8, en espérant qu'elle soit en meilleure forme, le dossard 9 de Davidova, le 12 de Thierry Lecoff, le 15 de Dorothea Vireur, le 18 de Tendrevold, le 22 d'Anne Berg ou encore le 27 de Reuseland. Samedi, nous aurons des relais. À 13h15, ce sera le relais mixte simple. À 15h, le relais mixte. Et dimanche, on terminera en beauté avec les Mastarts. 12h15 pour les messieurs et 15h pour les dames. On parle maintenant tennis avec l'Open d'Australie. Côté messieurs, il ne reste plus qu'un seul Français en compétition après la qualification hier de Gaël Monfils en 4-7 face à Karlovic. 4-6, 7-6, 6-4, 7-5. L'élimination de Gilles Simon en 4-7 face à Nick Kyrgios et l'élimination de Pierre Hugerbert en 5-7 face à David Goffin. A noter hier les qualifications de Wawrinka et de Khachanov en 5-7 et Rafael Nadal lui s'est qualifié en 3-7. Aujourd'hui, les qualifications de Djokovic et Schwartzman. Il faudra suivre également les matchs de Federer face à Milman. Tsitsipas opposé à Raonic. Bautista Agut en train d'affronter Marin Cilic et Fonini affrontera Peia. Côté féminin, a noté hier les qualifications de Alep, Bertens et Svitolina, toutes trois en 2-7. A noté la qualification aujourd'hui de Barty ou encore de Kvitova, l'élimination de Keys, de Serena Williams qui s'est inclinée également, et l'élimination de Wozniacki qui met ainsi terme à sa carrière. Et on suivra également les matchs de Osaka face à Goff et de Kenin opposé à Zhang. Un mot de basket, le match de NBA que tout le monde attend à Paris, eh bien, a lieu ce soir. Enfin, c'est l'équipe de Charlotte hein, face à Milwaukee. Je vous rappelle, Charlotte où évolue Nicolas Batum. Et d'ailleurs, il y aura un match de NBA l'année prochaine, toujours au mois de janvier. On ne connaît pas l'affiche pour l'instant, mais c'est sûr, dans un an, il y aura de nouveau un match NBA. Du côté de chez nous, en Pro B, samedi, Nancy recevra Vichy Clermont. Et en National 1, samedi toujours, le Jet se déplacera à Avignon. En football, Coupe de France, le suspense est enfin terminé. Épinal, Lille, eh bien ça aura bien lieu à la Colombière hein, ce mercredi. Il y aura à peu près 5000 places, 2000 assises, 3000 debout. Donc voilà, si vous voulez assister à cette rencontre, eh bien dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. En Ligue 1, c'est mieux. Ce soir, Nice affronte Rennes. Samedi, Marseille recevra Angers, Brest, Amiens, Monaco, Strasbourg, Montpellier, Dijon, Reims, Metz, Saint-Étienne, Nîmes. Dimanche, Lyon recevra Toulouse, Nantes, Bordeaux et on terminera avec Lille, PSG. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Lorient. En National 2, samedi, Épinal se déplacera au club de Croix. Et en National 3, samedi toujours, ce sera le derby entre Tain-les-Vosges et Raon-l'Étape. Et on termine avec du hockey sur glace en D2, ses déplacements ce week-end pour Épinal à Châlons. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Niagara et le titre L'amour à la plage. L'amour à la plage, Niagara sur RGM, presque 8h55, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 14h, ce sera la rediffusion de J'ai aimé, je vous le lis. 18h, la rediffusion de La Bulle de l'IA. 20h, Sophro Relax. 21h, Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.